caisse. Elle sait que je pèse, elle m'a vu en Mercedes. J'suis dans la caisse, elle sait que j'encaisse. Elle sait que je pèse, elle m'a vu en Mercedes. J'pensais pas que l'amour m'aurait eu. À la base, j'suis un gros bâtard. Avec toi, j'me reconnais plus. Dans ma tête, c'est le bazar. J'me souviens de nos débuts, j'me rappelle tes appels de phare. Première fois que je t'ai vu, j'ai dit au poteau, c'est bizarre. Chérie, écoute, il faut que je parle. En ce moment, tu me fais mal au crâne. Avant de te parler, j'étais bien. Maintenant, j'comprends, c'est quoi les fans. Toutes les deux minutes, tu m'appelles. Si j'te réponds pas, tu m'appelles. Quand on s'embrouille, j'regarde tes snaps. Ça m'énerve quand tu fais la belle. On passe notre temps à s'embrouiller. Elle veut jamais parler, c'est la guerre pour un tu liké, pour un enfant manqué. Pour toi j'ai tout donné, pour nous j'ai tout donné. Pourquoi tu veux jamais changer? Maman si ta maman si ta maman si ta maman si ta maman si ta maman si ta. T'as un jour à me rendre. Maman si ta maman si ta maman si ta maman si ta maman si ta maman si ta. T'as un jour à me rendre fou. Elle sait que moi je l'aime. Elle sait que j'en vaut la peine. Je nous vois dans mes rêves. Ils me font un bisou et je t'aime. La première fois que je l'ai vue, elle a voulu me faire. Moi je pensais qu'à mes bottes et mes stocks un peu avissaires. Elle savait que j'étais fou mais elle voulait quand même de moi. Merde, elle m'a fait du sourd, maintenant je cours comme un outiwa. J'fume mon shit hollandais, day day. La guerre ou la pay, pay, pay. Je me mets dans la merde pour exaucer ses plus beaux soins, ouais, ouais. Putain, j'suis fait, fait, fait. T'es roux, violet, lait. J'ai mes liens, j'refais mes comptes dans le blog. J'vois le chétan qui tourne et qui tourne bien autour de moi. Il me dit te faire du mal, oui, jusqu'à ce que tu reviennes à moi. Vois comment faire la vérité, c'est plus possible. Je seul sais que pour maman et toi, j'ferai l'impossible. On passe notre temps à s'embrouiller. Elle veut